De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet, de l'huile dans les rouages, présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah oui, ça va, on est joyeux aujourd'hui. Bah ouais, du coup on va en parler. Exactement, parce qu'on va parler du vocabulaire de la joie. On avait déjà évoqué les différentes nuances sur d'autres émotions. On avait fait quoi ? La colère et la tristesse. Et là, ce sera un peu plus joyeux aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on parle des différentes façons d'exprimer sa joie. On peut peut-être donner quelques exemples de mots. Bah oui, toi quand t'es heureux, bien, tu dis comment ? Tu dis je suis quoi ? Bah, je suis content. Ouais. Je suis très heureux, je suis euphorique, pourquoi pas. Ouais, bah, voilà. C'est des mots qu'on utilise un peu moins souvent, ça. Oui, j'ai entendu beaucoup de jeunes dire je suis satisfait. C'est vrai. Donc il y a différents niveaux aussi d'importance dans ces mots. Quand on exprime une petite joie, qu'est-ce qu'en général tu dis, toi, quand t'es un petit peu... Juste content, je pense que c'est la base. Juste content, ouais, c'est vrai. La satisfaction aussi, c'est pour moi dans les degrés plutôt inférieurs. Oui, satisfait, c'est pas très ça, ok, mais sans plus, tu vois. Après, oui, euphorie qu'on a évoqué souvent. Voilà, c'est les quand très même assez forts, fort, exalté, ravi. Ravi. On est dans les plus forts là. Ouais. Et puis pour moi, dans les moyens, je dirais que je suis sereine. Il y a aussi ça aussi hein, dans la joie. Il n'y a pas que le côté excitation, pétillance. Il y a aussi l'apaisement. Mmh. Hein, être serein, calme, apaisé, c'est aussi dans la joie ça. Et donc, c'est important de savoir à peu près mesurer ces mots-là. Oui, plus tu as du vocabulaire, quelle que soit l'émotion, plus tu vas clarifier les choses en toi. Et par exemple, si tu as une très très forte émotion, pour la faire redescendre, même si c'est la joie, c'est intéressant de la formuler pour la faire redescendre. Parce que ben, si je suis euphorique quand le matin, je me lève parce que tiens, la veille, on m'a demandé en mariage. Mais après, il faut que je prenne la route le lendemain matin et que je me reconcentre sur un dossier super important. Ben, va falloir réussir à redescendre. Donc, c'est important pour passer à autre chose. De pouvoir déposer ça. Et puis, ben, la joie, elle sert aussi à exprimer des messages clairs positifs. On a souvent parlé des messages clairs négatifs. Oui. Mais si je veux faire du renforcement positif auprès de mon équipe, si je suis un manager, ou auprès de mes enfants, si je suis parent, auprès de mon partenaire, si je suis en couple, eh ben, c'est super important. Donc, par exemple, quand on dit « Oh là là, quand tu ranges ton bureau sans que je te l'ai demandé, je suis ravie ». Et bien là, l'enfant, l'ado, etc., et ben, il va comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est bien et on va lui donner un indice clair de ça. Ou « Oh tiens chérie, t'as passé l'aspirateur mercredi alors que c'était mon tour, je suis tellement soulagée ben ». Voilà, oui. On dit qu'est-ce qui fait qu'on peut aider l'autre à être soulagé. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres choses qu'on fait que l'autre ne voit pas. Donc là, on l'a vu, on renforce le comportement chez l'autre. Donc les messages clairs positifs, c'est vraiment quelque chose à encourager. Donc le vocabulaire de la joie, de tout ce qui est agréable, il faut le dire aux autres. Eh bien, on vous invite à expérimenter tout ça ce week-end. Bonne journée. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.